Ah putain, pourquoi il part plus quand je fais la barre d'espace? Ah merde, on est à 130 maintenant. Où ça casse? Thank you. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pourtant calé, non? Attendez. J'apprends. Attends, il faut que je trouve le départ. Ah, il est là. Ah, c'est ma carte son qui bug. Mais non, mais c'est putain. Avant, ça faisait pas ça. Attends. Mais non, j'ai rien foutu. Merde, tu rates le départ. Ah, il y a un métronome en plus. Là c'est bon. Ça c'est ok là? Non, j'ai pas zappé, c'est que ça s'est arrêté. Oh merde, merde, merde, merde, merde. Ah, je sais ce que je vais faire. Normalement c'est calé là. Thank you. scindé. C'est du mix solidaire. Comme gamme. Non mais allez-y hein. Il arrête avec ça, on fait vite. Thank you.

merde. Fais chier cette batterie. J'en ai marre. C'est la faute à Bilos, il m'a dit que ma batterie était pourrie. Alors qui c'est qui joue les accords? Ça va pas ces batteries encore? We'll be right back. Bon appétit, monsieur Titi. Qu'est-ce qu'on mange ? C'était quoi ce morceau, Phil ? C'est à toi ? On sent là que je suis vraiment à mes limites. Carottes, patates, vapeur et saumon. Mais c'est très équilibré, ça. Bon, ben moi aussi, je vais y aller. Ah. Oh non, là le batteur fou qui se repart. Ah mais j'ai compris ce boucan, c'est le synthétiseur. Oh, quand tu veux pour te lancer. Merde, je suis perdu dans tous ces trucs. Ah c'est là. J'en ai mis partout sur le bureau. Je suis là, hein. Ouais, pas de son. Ah bah attends, ouais d'accord. Tout le monde est parti en fait.